c'est pas normal. Uniquement dans le cadre de la parole de Dieu. Voyons donc 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 2. 1 Thessaloniciens 2, verset 1. Vous savez, vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon Dieu, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous avez vu mon frère bien-aimé ? C'est Dieu qui sonde nos cœurs. On ne doit pas juger quelqu'un dans son ministère. Il a fait ceci, il a fait cela. L'amener à ton problème de ministère. La seule chose qu'on doit faire pour juger, la seule façon, le seul moment où on est appelé à juger, lorsqu'il y a ces choses qu'on a confrontées dans la Bible, on dit chapitre 5. Pas d'impudicité, d'accord ? Pas de fraude. Cas d'ironierie, cas d'idolâtrie, dans le capitule un frère ne marche pas en conformité avec la parole du Seigneur. D'accord, bien-aimé? La Bible va même plus loin en disant que lorsque il y a des problèmes entre différents frères, lorsque un frère a un problème avec un autre frère, ou une sœur a un problème avec une sœur, ce n'est pas devant les tribunaux civils qu'on doit aller, on doit se rendre pour avoir gain de cause, que l'un doit avoir gain de cause ou l'autre. Non. Lorsqu'il y a des différends entre frères, comment pouvez-vous aller chez les païens? Chez les incirconcis, pour chercher à avoir des hommes. Y a-t-il pas parmi vous quelques hommes? Quelques hommes comment? Hein? Y a-t-il pas parmi vous quelques hommes sages? C'est pas ce qui est écrit. Dans les problèmes entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, entre frères et frères, ce n'est pas devant les incirconcis qu'on doit aller plaider. Ce n'est pas devant les tribunaux humains qu'on doit aller. Au contraire, on doit faire recours à qui? À l'Église. C'est dans l'Église qu'on doit gérer les problèmes entre frères et frères. La Bible dit des dons sages pour prononcer des jugements, d'abord bien aimés, des jugements entre ces différents frères. Bien plus encore dans 1 Corinthiens chapitre 14 concernant les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, la Bible dit que lorsqu'il y a des prophètes en assemblée, que deux ou trois ou plus parlent et que les autres jugent. D'accord? Les autres jugent, que les autres prophètes jugent. Dans ces cas-là, voilà les cas où il faut juger. Le jugement est appelé le discernement. On doit discerner si ça vient de Dieu ou pas. Dans ce cas-là, on doit prononcer des jugements. D'accord, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons juger. Nous sommes appelés à juger. Mais juger ceux de la maison. Ceux de l'extérieur, c'est Dieu qui les juge. On n'a rien à voir avec cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pour le bonheur à ces accords de votre présence. Venons à toi, source de bonheur. Magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre en gloire, car tu es digne d'honneur. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Bonsoir. À la gloire. Prions, prions. Te devons toutes choses. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta magnificence. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Merci pour tes projets dans nos vies. Merci pour ta direction. Merci pour tes instructions. Que ton nom se soit élevé et que toute la gloire te vienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des questions? Y a-t-il des questions? Oui, mon cher. Le Père, nous suis parmi vous, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 5, oui. Quand seul homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, oui. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oui. La Bible déclare que tout l'esprit retourne à Dieu. Oui. Oui, soit que ce soit croyant ou non croyant. Mm-hmm. Oui, lorsqu'il dit que avant que l'esprit soit sauvé, mm-hmm. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Que vous dites que l'esprit retourne à Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit que la Bible déclare que dans l'esprit retourne à Dieu, ça veut dire quoi? Que ce soit l'incroyant, que ce soit sorcier, n'importe qui, l'esprit retourne à Dieu, non? Ça veut dire quoi, retourner à Dieu? Parce que la Bible déclare dans cet Ecclésiaste-là, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, retourner à Dieu? Ça veut dire que tous les esprits des sorciers sont sauvés, quoi? frère. C'est là ton problème, parce que le problème c'est que tous les esprits retournent à Dieu. Mais si on dit plutôt que l'esprit retourne à Dieu afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Tous les esprits qui retournent à Dieu, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Parce que lors de la séparation, le monde matériel, lorsqu'on quitte le monde matériel, il faut que les trois dimensions du corps vont dans des lieux précis. Mais ce n'est pas encore la fin là-bas. Au jour du jugement maintenant, chaque personne sera réunie de nouveau, n'est-ce pas mon cher, dans son corps. Après maintenant, on ira dans les lieux du jugement, après des lieux de sanction. C'est ça, non? Des questions, mon cher? Oui. C'est quoi? Matthieu, oui. Matthieu, si chapitre 17, comment? Oui. Oui. J'avais de pratiquer votre justice devant les hommes et en être juste. Oui. Autrement, vous ne répondez pas comprendre au cours de votre tête et dans les cieux. Lorsqu'on fait le monde, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les cinémas. Et finalement, les dames pleurent en train d'être glorifiées par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ne soient venus à la récompense. Ma question est de quelle récompense en la félicitation. On dit, le monsieur s'est donné, celui qui a consulté l'église. Mais il a donné 500 000. Le groupe de femmes a donné 500 000. Voilà la récompense. D'accord. Maintenant, continue le verset, continue après. Hein? Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est-à-dire quoi? Continue alors. Afin que ton aumône se fasse en secret, oui. Et ton père qui voit dans les secrets te le rendra. C'est-à-dire quoi? Que le Seigneur Jésus va le faire ici en secret, bon. En te donnant. C'est ça, un miracle. C'est bon ça. C'est exactement ça. Des questions? C'est bon, non? C'est bien compris. Des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Des questions? Pourquoi vous avez épuisé les questions sur ça bas? Autre question? Bonsoir. Y a-t-il des questions? Bon, ok. Une personne s'est levée pour poser des questions. Je peux avoir une Bible alors, s'il vous plaît. Une Bible. Une question? Rien. Il n'y a pas une question? Rien. Oui, mon cher. Alors, la femme n'a pas dit un mot. Qui a dit qu'il n'a pas dit un mot? Parce que je constate. Tu constates quoi? Quelques temps que je suis arrivé. Alors, tu constates qu'ils n'ont pas dit un mot. Mais tu as lu une interdiction quelque part qui ne dit pas. Par exemple, il dit maintenant que quelqu'un a dit une question. Vous avez répondu. Mais pourquoi tu me poses la question que quand les femmes ne parlent, les hommes ne parlent pas? Parce que depuis la personne ne parle aussi. Il dit, est-ce qu'il y a des questions? Il ne veut pas parler. Comment, pourquoi tu me constates? Parce que, en tout cas, quand le frère avait enseigné, il a dit, il a posé une question, il a dit que la femme devait répondre par un geste de la tête. Elle n'a pas le droit de parler. C'est pour ça que je voulais savoir. Ah, ok, donc ce n'est plus parce que tu as constaté que depuis elle ne parle pas. Il y a aussi qu'on a dit ça. Ok. Bon, ça veut dire que si elle veut parler, elle peut parler, non? Si elle veut parler, elle veut parler. Demande, parle à une femme devant toi. Très mon cher. Je demande, est-ce que tu as des questions? Personne ne veut parler. Ça va, j'ai répondu, n'est-ce pas? C'est bon, non? Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous en pose. Avant qu'on continue la soirée. Des questions? Quelqu'un a-t-il un sujet de prière? Oui, mon cher. Oui. Oui. Et normalement, elle est au nord là-bas. Elle a envoyé ma grande soeur sur Douala. Elle est venue acheter de l'huile. Et une fois, j'étais assis, elle me fait comprendre que la maman et elle ont entendu qu'en rentrant, pour qu'elle prenne un de ses vêtements. Oui, pour qu'elle aille. Pourquoi travailler là-dessus? Moi, je n'ai rien dit. Ce matin, elle est venue trouver là, chaque temps que je prie. Quand j'ai fini, je me suis levé. Je lui ai dit qu'il faut dire à maman que ce n'est pas la solution là-bas. Elle m'a dit, piche le camp. Je suis resté tranquille. Qu'est-ce qu'on fait comme maintenant? Qu'on bloque la main, on bloque la main dans la prière. Non, ne pas faire par rapport à le but pour lequel c'est bon, l'intention, c'est que le Seigneur interdit ça. Ok. Donc l'intention de prière a été déjà donnée. Et ton frère, lui, il est où là? Nous sommes à la maison ensemble. Vous êtes à la maison ensemble? Et comment est l'interaction? Quand tu lis, quand tu pries, comment, quelle est ta réaction? Comment vous causez? Bon, vis-à-vis de moi, c'est. Il y a des fois que j'arrive, je trouve qu'il est en train de. Je lis la Bible. Mais parfois j'ai l'impression comme si quand il, au moment où il touche la Bible, c'est comme si ça multiplie. Ça multiplie seulement encore. Comme ça multiplie. Et c'est vrai que nous, on ne parlait même pas. Bon. Le contact n'est pas. Est-ce que tu lui as dit par exemple que tu as besoin de prière, tu as besoin de délivrance? Tu lui as dit cela? Bon, quand tu rentres, tu lui dis que quand tu rentres à la maison, tu le vois, tu lui dis que tu as besoin de délivrance, tu dois être délivré pour être libre. D'accord? Sans quand. Quand quelque chose devient dominateur sur toi, sur un être humain, il n'y a qu'une seule chose, la délivrance. Et la seule solution dans ce cas-là, c'est le Seigneur Jésus. Parce que si les marabouts prennent n'importe quoi pour faire, ça ne résoudra pas le problème. Non seulement ça ne résoudra pas, ça va faire en sorte qu'une autre personnalité viendra habiter dans son corps. Vous penserez que le problème a été résolu, alors que c'est un autre esprit qui a été envoyé là-bas pour faire place à l'autre esprit. Et après, si vous êtes avec votre personne à la maison, pensez que le corps que vous avez, c'est la même personne, alors que c'est une autre personne avec qui vous vivez. Mais quand le Fils vous a franchi, la Bible dit que vous êtes réellement libre. Donc il lui faut la délivrance. Dis-lui comme ça, d'accord? Pour cette personnalité qui a l'intérêt, ça laisse choc. Mais là, vous avez des frères, vous êtes du côté de Dakar, c'est ça? Alors, comme ça, vous réunissez là-bas, vous priez. Vous le mettez quelque part, vous commencez à prier pour lui. Ça va le fatiguer, la soeur va sortir, ça va le courber après. Il sera violent dès le départ. Continuez ce nom de Jésus-Christ, il sera libre. D'accord? Des questions? Des sujets de prière? Est-ce pour le sujet de prière? C'est quelqu'un qui a le problème, tout le monde va lever la main ici. Ah non, je crois que vous n'avez même pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de prier, il n'y a pas de sujet de prière ici. Mon frère, comment tu t'appelles? Depuis que tu es né, tu t'es réjoui pour une seule fois. Réjoui comment? Il y a deux façons de réjouir. Réjoui pour t'aider. Hein? Tu es content, tu es joyeux. Tu es content comment? Que tout joyeux, bénissons le Seigneur. Dans le corps. Dans la pratique, dans l'attitude. Dans son attitude. Hein? Quand tu le regardes, tu penses qu'il est en joie. Oui, oui, frère. La question de réjouir là, je veux dire, depuis que tu es né, est-ce que tu t'es réjouis? Je vous ai demandé, vous me posez la question, ou vous pouvez me poser. Moi, je vais vous poser. Je vous désigne un an, je vous pose la question. Donc, est-ce que tu t'es réjouis? Tu es fier là où tu te trouves là? Je suis un peu perturbé. Donc, tu n'es pas joyeux, n'est-ce pas? À cette frère. Alors, posez des questions. Ouvre Philippiens chapitre 3, tu lis le verset à toi. Le joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Ça dit quoi le verset 1 du chapitre 1 de Philippiens? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point. Il ne me lasse point de vous le dire. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est? Pour vous cela est salutaire. Est salutaire, c'est ce que mon frère écrit. C'est ce que mon grand frère écrit. Je ne me lasse point de vous écrire. Donc il se pratique pas de vous écrire. Vous devez vous réjouir. Alors il dit que frère, au reste, réjouis-toi dans le Seigneur. Quand tu dis que réjouis-toi, mais à l'intérieur, c'est comme les eaux sont troubles. Il y a un travail de fond à faire, d'accord mon cher? Parce que il y a là, il faut qu'on nettoie la robe. Sinon, le rôle ne peut pas être brillant. C'est que même toi, c'est n'importe quoi, ça n'a pas aller. Donc la parole a commencé à se faire depuis quand tu t'assois ici, j'observe, d'accord? Ok. Donc tu dois te réjouir. Mais bon, lève-toi alors. Viens par ici, on va se réjouir. Viens ici. Je vous ai dit que je connais mes gens ici là. Toi, tu t'assois. Comment donc, si tu veux te réjouir, comment tu vas te réjouir? Si tu possèdes dedans, qu'est-ce qui va te réjouir? Dis, et je t'offre cela. C'est difficile. Ok. Ecclésiastes chapitre 7, notez le verset 1 à 4. Ecclésiastes chapitre 7. Verset à 4, notez, je vais vous donner des versets. Merci, Père. Merci. Ecclésiastes chapitre 7, verset 1 à 4, notez le psaume, les psaumes 90, 91 et 92. Je vais le vite. Ecclésiastes chapitre 7, c'est bon? Verset 1 à 4, j'ai demandé de noter, pas demandé d'ouvrir. C'est ça le vrai problème, que tu veux ouvrir. Je disais tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas libre que je ne sais comment. Je dis ce que je peux avoir comme la joie. Je désire vraiment. Je recommence encore pour une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux qui te rendra cette joie-ci? Je te l'offre. Oui, je veux la paix. Tu veux la paix? Je veux être libre dans mon intérieur. Non, pour l'autre, là, ça, c'est la délivrance dont il faut. Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui doit te réjouir? La délivrance est là, c'est pour toi, d'accord? La paix, Christ te donnera après cela, d'accord? Parce que tu vois, il y a des choses que tu vas expérimenter, que tu ne voudrais pas expérimenter, qui viennent toujours et toujours. Et ça trouble, ça t'empêche d'aimer Dieu comme le feu. Mais après, ça t'en va venir dans tes pensées. Je veux dire que toi, tu dis que tu sais Dieu. Et puis, te voilà encore faire un petit jeu. N'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je veux du travail. Tu veux du travail? Oui. Après cette séance-ci, je vais prier pour toi, d'accord? Et puis, ça va venir sur toi, d'accord? Amen. Ça va venir sur toi. D'accord. On va rire ici. On va sourire ici. Et souviens-toi, comme je parlais de réjouissance, la prochaine séance, la prochaine fois, quand ça va venir, tu vas nous faire, on va se réjouir ici, n'est-ce pas? Amen. C'est comment on se réjouit ici. On ne va pas vous dire, frère, bien-aimé, aidez-moi à louer le Seigneur. Non, on doit partir si peu. Moi, c'est quand tu as Dieu là, les gens viennent, quand les soeurs viennent, elles se confondent. Est-ce que ça se me dit, oh, maman, on est là, vous savez, il y a des femmes qui vont au-delà, ça sert. Hein? Elles pleurent. Oui, maman, ça sert. Comme ça, qu'elle a attaché le pain. C'est ta Bible, là, ma soeur. Ça sert sur mon sang. Elle pleure pas comme ça. Ce sont ses doigts qui pour. Son doigt se promène comme ça, effectivement. C'est qu'elle est dépassée par les événements. Mais ce que je voulais, le point que je voulais montrer, c'est que si je viens au deuil chez elle, c'est vrai que je peux venir au deuil de cette façon-ci. Et puis, je m'assois avec elle. Je dis, oh, ma soeur, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Et quand je fais cela, c'est une partie là-bas. D'accord? Dans ce deuil-là, il y a des besoins. Notez le titre chapitre 3. J'en ai vous donner les passages. On va travailler. Je commence à me sentir bien maintenant. Vous voyez, ma position commence à venir. Ça va, garçon? Donc, tu vas travailler. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, là, maintenant, ça stoppe l'injustice. L'injustice, ça stoppe. Dieu va déployer sa puissance en toi. Tu vas travailler ce qu'il faut pour toi. D'accord? Mais on doit se réjouir. Tu promets? Je le promets. Et tu promets à l'Assemblée qu'on va se réjouir. Nous allons nous réjouir. On va se réjouir dans comment? joyeux dans la fête. Dans la fête, c'est-à-dire qu'on faut acheter les choses. Dis concrètement, amen. Ne fais pas comme ça. Là. Je vais acheter tout ce que Dieu va nous permettre, va me donner et puis on va partager. Pas le foulerie, hein. Parce que vous savez dire que le foulerie, le bissap, c'est le jus. Ouais, c'est que Dieu va donner, on va partager. Non, il va donner en abondance. Amen. D'accord. Mais ce n'est pas le jus pour pouvoir nous pourrir les intestins. C'est le jus de fruits. Il y a des soeurs ici spécialistes. Donc, on va acheter l'ananas, le papaye, on va faire le jus de fruits. Amen. On s'assoit le jour, on dépose la Bible carrément de côté. On s'assoit ici. Parce qu'on nous a dit là-bas qu'on se réjouit. On n'a pas dit lisez les versets bibliques. Là-bas, le verset ne dit pas qu'on lisait les versets bibliques. Frère, quand il lit ça, je me réjouis. Oh, je me réjouis. C'est pas ça. C'est de déposer de côté. Vous vous réjouissez. Pas vrai, frère? Amen. Mmh. C'est... On va fêter, pas vrai? On va fêter ça. Parce que la justice de Dieu va dégager l'injustice dans sa vie. Parce que. Ok. Donc, notez Ecclésiaste, vous avez noté Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 à 4, c'est ça? Oui. J'ai demandé le psaume 90, 91, 92, d'accord? Dans ce psaume 90, 91, les versets 16, dans les deux cas, nous intéressent. On y va, je vais continuer à donner si vous le voulez. Notez Actes des Apôtres chapitre 18. Et puis, tout ça, après vous avoir donné ces versets, je vous poser des questions. La vie de Christ, lorsque c'est manifesté dans la vie des croyants, ce n'est pas une vie de tristesse. Remarquez le commandement que le Seigneur dit à ses disciples en Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Donc aucun événement ne doit faire déstabiliser notre paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que dans le monde où nous nous trouvons, nous sommes aguerris à être appréhendés par les circonstances. Dans les circonstances, les événements qui arrivent tout autour de nous, nous sommes beaucoup plus présents parce que nos cinq sens sont beaucoup plus présents pour titiller et tâter ces choses-là. Donc, nos cinq sens sont comme des tunnels pour pouvoir tester et avoir les éléments sur ces cinq sens. Jésus, par ces Jean chapitre 14, verset 1, veut dire que vos cinq sens n'aient pas de pouvoir sur vous. Si ça a de pouvoir sur vous, les événements de votre entourage va avoir d'impact à l'intérieur de vous. Que votre cœur ne se trouble point. Le cœur se trouble lorsqu'on a des informations négatives par rapport à nous, nos bien-aimés, nos choses et ce qui se tourne autour de nous. Si nous avons de bonnes informations de l'intérieur, vous, par exemple, vous attendez, comme son cas, vous déposez le dossier quelque part. Ah, c'est frais-ci. Vous allez, si vous n'avez pas encore vu Dieu à l'œuvre, ok, maintenant, regardez-le bien maintenant, vous allez le voir Dieu à l'œuvre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, je suis allé une fois, deux fois, et puis. Et ça, c'est l'ennemi qui voulait faire comme ça pour bloquer cela. Et puis, je voulais partir. Ça l'a poussé encore à revenir là-dessus. Maintenant, le voici. Tout ce qu'il fait, il prend la Bible, il va lire là-bas. Les circonstances lui dictent le contraire de ce qu'il lit dans les Saintes Écritures. Les circonstances. Ces circonstances-là, quand il va lire les Écritures, il va voir les bénédictions à l'intérieur, mais sa vie n'est pas bénie. Mais ici, c'est les ténèbres. Donc ceci, ce n'est pas quelque chose qui est gardé par le Seigneur. Parce que le Seigneur peut vous garder les circonstances qu'on peut penser que c'est négatif tout. Je ne sais pas si vous m'attendez là. Je suis en train d'entendre comme si c'est un haut-parleur qui vient de parler. C'est bizarre dans mes oreilles là maintenant. Alors regardez. Donc, si c'est le Seigneur qui le fait, le Seigneur nous préserve de certaines choses tout autour de nous. Comme matériel, comme accès à ce matériel. Si c'est le Seigneur qui préserve la paix à l'intérieur, il donne la paix à l'être pour que vous compreniez que ces circonstances-là, c'est lui qui le fait. Mais lorsque les circonstances semblent être contraires à ce que vous attendiez et que l'intérêt est troublé, il faut chercher la face du Seigneur ici. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas sa volonté de nous affliger sans raison et sans cause. Si le Seigneur vous dit, même si sans vous parler, parce que si vous n'entendez pas sa voix, vous attendez telle chose et ça n'arrive pas, telle chose, ça n'arrive pas. Et quand l'intérêt vous est en paix, ça se trouve que la promesse est dans cette attente. Ça veut dire que dans cette attente, il est en train de travailler quelque chose. Je pense que vous me comprenez. Quand le Seigneur dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, il sait qu'il y a des situations qui vont le troubler. Dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, il dit quoi? Il dit que ne vous inquiétez pas quoi? De rien. Comment un être humain peut sujeter et ne pas s'inquiéter? La seule possibilité de le faire, c'est que vous viviez dans l'esprit. Si vous ne vivez pas dans l'esprit, les événements, les 500 vont vous donner des renseignements qui vont avoir de l'impact sur votre être à l'intérieur. Vous comprenez? Alors, dans cette Philippiens chapitre 3, verset 1, il dit, je le répète encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je pose la question. Comment quelqu'un va-t-il se réjouir dans le Seigneur quand les événements contraires lui sont dictés dans, dans la vie? Dans sa propre vie, les événements contraires sont dictés. Puis la Bible a de lui dire, réjouissez-vous. Vous ne pouvez pas aller dire à un âne, à une âne, un Samuel chapitre 2, que réjouis ton âne. Confesse, tu dis que c'est bon. Ce n'est pas bon. Parce que quand elle va vouloir l'eau, Pénina va lui dire que envoie ton âne. Ton enfant, les circonstances ne sont pas bonnes pour elle. Elle ne peut pas se réjouir. Et elle ne pourra pas se réjouir. Chaque fois qu'elle va entendre cette insulte-là, elle va s'assister à l'intérieur. Vous ne pouvez pas dire à Sarah de dire, envoie Ismaël, allez te puiser de l'eau. C'est qu'Ismaël va lui dire, maman, la vieille maman Sarah la dérange. Elle ne peut qu'envoyer ça. Quand elle t'envoie la prochaine fois, dire que je n'ai pas ma vieille mère. Sarah ne peut pas se réjouir. Et si elle ne se réjouit pas, le ciel est au courant de cela. L'écriture sort, chasse la femme esclave avec son fils. Ça veut dire que le ciel est au courant de tout événement qui a laissé passer dans cette maison. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez? Donc les circonstances doivent nous donner les informations si Dieu est avec nous ou non. Les circonstances doivent nous donner les informations si Dieu est avec nous ou non. C'est-à-dire qu'une circonstance est négative. Sur le plan humain, c'est-à-dire que si vous cherchez le travail, vous n'avez pas le travail, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais le fait que vous n'avez pas ce travail peut être un stop du Seigneur pour vous empêcher soit d'aller dans l'iniquité, soit quelque chose vous arrive. Alors maintenant, si c'est lui qui empêche la paix à l'intérieur, remarquez notre grand-père, Jacob, merci Père. Vous vous souvenez, Jacob, quand il est allé chez Laban travailler, il a travaillé pendant 14 ans pour ses filles. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous avez moi, hein? Amen. Si vous lisez le chapitre 31 de Genèse, à partir du verset 1, vous remarquez que la Bible déclare que Jacob a regardé le visage de Laban. Quand il a regardé le visage de Laban, il dit que son visage n'était plus même vis-à-vis de lui. Voici, ils sont à la 20e année. 20 ans qu'il a vécu là-bas. Et puis il regarde le visage de son beau-père. Ce visage n'était plus le même. Donc le visage lui montre que les circonstances ont changé. On n'a pas dit, Laban lui a jamais dit quoi que ce soit, que sors de chez moi, jamais. Écoutez. Lorsqu'il a constaté, si vous lisez le chapitre 31 de Genèse, à partir du verset 1, la Bible déclare, lorsqu'il a constaté que son visage n'était plus le même, la Bible déclare, la parole du Seigneur lui a été adressée que Jacob quitte la maison et va dans ton pays, le pays de ta naissance. Pourtant, la Bible nous dit, il a constaté que les circonstances n'étaient plus bonnes. Vous voyez cela? Ce n'était pas favorable, c'était le moment de partir. Pourtant, il avait été là-bas, on a volé son salaire 10 fois. Ça veut dire que là-bas, l'a usurpé. Usurpé. Premier jour d'abord de mariage, il a usurpé. Donné la petite soeur, il a encore travaillé 7 ans, pas vrai? Ok, lorsqu'il travaille encore 7 ans, ça fait 14 ans qu'il va travailler. Puis il va prendre les brebis pour pouvoir faire tondre pendant 6 années. Et pendant qu'il travaille ces brebis-là, quand une brebis se tord, ou bien est cassée, il paye ça à son compte. Il paye à son beau-père dans cette maison. 10 fois, la balle a volé son salaire. Pendant les 10 fois, Dieu n'a pas parlé, mais l'autre 6, c'était le regard. Le visage de Laban montrait la révélation de Dieu par rapport au moment. Donc les circonstances peuvent dicter et nous donner si Dieu est avec nous ou pas. Vous m'avez suivi ça? Vous pouvez être comme ça, vous voulez aller chez quelqu'un. Une personne avec qui vous jouez chaque fois, même un frère, même une soeur. Et puis subitement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui commence à vous repousser. Et comme on est des charnels, on dit non. Le Seigneur dit que non. Mais la Bible déclare que ne te confie même pas à celui qui se couche sur ton sein. Parce que l'homme est méchant. Maintenant, supposons que cette personne avec qui tu te réjouis. Écoutez bien, toute votre attention. Nous parlons de réjouissance, c'est pas juste en avant. Cette personne avec laquelle tu te réjouis, tu te plais chaque fois. Une autre personne a constaté que vous êtes complice. Il vient, pendant que tu n'es pas là, il dit à cette personne que. Tu connais la personne que tu es. Non, c'est un frère. Fais attention. Moi, je te dis seulement. Fais attention. Avant que quelque chose arrive demain, tu dis qu'il ne t'avait pas. Dis oh oh. Après, il faut que tu quittes. Qu'est-ce que cette personne vient de faire? Cette personne vient de s'aimer la semence de la discorde entre vous. Et puis, vous voyez la personne avec qui vous a séparé hier. Tu viens. Ma soeur, ça va? Je dis oui, ça va. Vous voyez le froid. Vous aussi contacté, mais comment le froid avec moi? Deuxième fois, le froid. Et puis, la distance commence à se créer. La semence a été en le péché entre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors les circonstances dont maintenant commencent à contrôler et dicter notre comportement. C'est comme ça que ça se passe dans nos relations. Quand ces choses arrivent, c'est pour cela que vous devez croire que le Saint-Esprit vous conduit. Ça, si fait ça, vous forcez, vous allez vous casser. Satan va vous utiliser, vous bombarder. Quand c'est comme ça, il faut s'éloigner et laisser le temps au Seigneur d'arranger les relations. Si vous forcez, vous essayez d'entrer avec vous. En tout cas, si quelqu'un parle derrière ton dos, tu le vois, à cet instant, l'esprit rend témoignage que quelque chose ne va pas avec vous. Parce que vous ne pouvez pas en même temps parler contre quelqu'un, en même temps l'embrasser. C'est que vous êtes le plus hypocrite qui peut inscrire le Saint-Esprit. On avance, les soeurs. Vous avez moi. Notez Galates chapitre 4. Merci, Père. Je vous ai dit aujourd'hui de noter le livre des Actes des Apôtres chapitre 18, n'est-ce pas? Les versets 20 et 21 vont nous intéresser dans ces Actes chapitre 18. Lorsque le moment viendra, si il doit aller dans la Bible, j'y irai. Alors, dans les occasions de se réjouir, notez Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Du verset 6 jusqu'au dernier verset. J'ai commencé par dire que la vie chrétienne est une vie normalement de réjouissance. Ça dit qu'on doit se réjouir. Parce qu'en réalité, être chrétien, ça suppose que la pesanteur que nous tenait captif sur la terre, le péché, on en a été délivré de cela. C'est la pire des choses qui puissent arriver à un être humain là-bas. Le péché, étant dans le cas du péché. Maintenant, étant donné que nos problèmes péchés sont résolus, ça veut dire que nous sommes au-dessus de toute autre chose, toute autre circonstance. Et par conséquent, nous devrions en réalité marcher de gloire en gloire. Mais pas marcher de cette façon-là où on croit effectivement qu'il faut être rempli de matériel. Parce que ce même matériel peut créer des problèmes. D'accord? Ce n'est pas ça l'entrée de question. C'est, je parle de gloire en gloire, c'est-à-dire une vie dans l'esprit du contentement. C'est-à-dire que vous savez effectivement que ici, je suis suffisant et le Seigneur est suffisant en moi parce que j'ai besoin de quelque chose, je l'ai selon sa volonté. À cet instant, vous vous réjouissez parce que le Dieu qui pourvoit est avec vous. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors la vie chrétienne, c'est une vie successivement de frustration, de frustration. Il faut chercher la face du Seigneur. Ici, il faut chercher la face du Seigneur. Il y a un caillou sur lequel on a versé de l'huile. Il y a un caillou qui parle contre la famille. Dans un petit endroit déposé, je regarde de l'huile qui est coagulée là-dedans, versée. Ça parle contre la famille. C'est un haut lieu terrible ici. Tu es au courant de cela? Pas encore. Pas encore, tu n'es pas au courant de ceci. Ça, c'est une pierre qui parle contre la famille. Comment ça, mec, frère? Donc, toute personne de la famille est lieu à ici. Parce que le représentant, il parle. Je suis en train de parler d'un haut lieu, donc. D'un haut lieu familial. Alors, s'il y a n'importe quoi qui ne marche pas, et qu'il n'y a pas de paix à l'intérieur, il est temps de chercher le Seigneur. Aller dans la face du Seigneur. Seigneur, quel est le vrai problème? Souvenez-vous, nous tous, nous sortons de familles qui sont d'abord ancrées dans les ténèbres. Souvenez-vous de cela. Lorsqu'on se souvient de ça et qu'on est conscient que nous sommes en train de marcher, enfin pas marcher, nous sommes en train de vivre dans une atmosphère de guerre spirituelle entre les croyants et les incroyants, vous allez comprendre que c'est lorsque vous décidez de vous détacher que ces effets-là commencent à avoir ces effets sur vous. Donc il faut d'abord avant de dire que si nous sommes nouveau, je suis rempli, ça y est, c'est rempli. Fini, c'est quand tu vas te calmer, tu vas remarquer que les circonstances n'ont pas changé. On est des fesses là, et c'est d'aller confesser comme je porte le blanc, mon intérêt blanc. Faut bien regarder l'intérieur. Alors, sinon, quand tu vas te tourner, tu vas enlever le blanc garder, tu vas voir que le noir est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre d'abord les problèmes de fond dans la famille. Traiter avec ses idoles. Il faut traiter avec ses idoles. Je vous prends un exemple simple. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez le livre du prophète Ézéchiel, à partir du chapitre 12, prenez la partie du chapitre 8, en montant les 16 idoles qui sont dans le mur. En prenant le chapitre 2 et le chapitre 13, principalement du prophète Ézéchiel, vous remarquez que les anciens d'Israël viennent s'asseoir devant Israël. Si vous prenez la partie du chapitre 13, en commençant. Les anciens d'Israël viennent s'asseoir devant le prophète. C'est terrible, ces choses qui sont révélées dans ces écritures. Vous m'entendez, vous tous, vous m'entendez? La Bible déclare, ils viennent devant le prophète pour consulter le prophète. Et puis le Saint-Esprit dit au prophète Ézéchiel que ces hommes seront chacun quoi? Des idoles dans le cœur. Des anciens d'Israël. Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est celui dont le Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a brisé et jugé les dieux égyptiens. C'est lui dont ils sont censés servir au temple. Et les voici, on dit les anciens. Quand on parle des anciens, ce n'est pas seulement les vieillards. Ce sont des grandes personnalités en Israël qui pouvaient s'asseoir et juger parmi les gens et donner des directions. Ce sont ceux-ci qui marchent avec des divinités à l'intérieur. Dieu dit que ces anciens que tu vois là, ils ont des idoles chacun dans son cœur. Et ils viennent penser comme ça là pour consulter l'Éternel par le prophète. Il dit, si le prophète parle, il va confirmer. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Voici donc les gens qui sont le conducteur des troupeaux d'Israël, qui se trouvent avec leurs propres idoles. Donc vous allez voir, vous allez dire, Rabbi, je l'ai vu au temple. Hey, c'est un père qui est sérieux en ça, Seigneur. Ah non, mon père était un vrai chrétien. Je suis né dans une famille quoi? Chrétien. Nous sommes tous croyants chez nous. Ok. 5 heures, celui qui se fait à la cloche. Mais que le Saint-Esprit te prend comme Ézéchiel, tu vas voir que c'est lui qui est le chef des idolâtres du village. Alors, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la révélation de votre hôtel familial, ne dis jamais que je suis dans une famille chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de famille chrétienne. La famille chrétienne se trouve en haut, pas en bas. D'accord, frère? La famille chrétienne se trouve où? En haut. C'est là où on se réunit. Sur la terre, il n'y a pas de certitude pour dire que la famille est chrétienne. Parce que les prêtres, les pasteurs peuvent être quelque part, ils sont des sorciers. Mais vous lisez la Bible, vous faites des réunions familiales chaque fois, vous priez chaque fois. Pourtant, c'est lui le chef de tous les sorciers du village. Mais dans ton esprit et dans ton cerveau, tu diras que nous sommes dans une famille chrétienne. Et c'est vous qui servez Satan à l'intérieur, avec la Bible. Alors, nous avons, et quoi que la seule chose, il faut viens, voici la place ici, viens t'asseoir ici comme ça. Elle est en train de faire la chaleur comme ça. Vous allez avoir cet esprit-ci maintenant. C'est que vous voulez mettre un pas devant. La Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ce pas. Lorsqu'on a de marcher un pas devant, un autre pas devant, on doit admettre que le Seigneur doit nous conduire. Et il ne peut pas nous conduire dans les voies mauvaises. N'est-ce pas, frère? Il a même dit qu'il ne permettra pas que notre pied chancelle. Il ne nous livrera pas au bon plaisir de nos ennemis. Mais le vrai problème, c'est que très souvent, nous avons commencé notre journée avec les ennemis déjà. Nous voulons être l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être notre ami. Regardez ce que le Père, le Seigneur dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai l'Esprit de vérité. Il vous conduira. Maintenant, ça veut dire que le Saint-Esprit est notre ami, notre guide, notre consolateur. Comme nous ne sommes pas orphelins, il est notre Père. Le Saint-Esprit veut être donc notre ami pour nous conseiller. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Pas vrai? Je te conseillerai, je te guiderai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est ce qu'il a dit. Et par conséquent, s'il a dit ça, ça trouve le Saint-Esprit s'attend à une intimité avec lui. Si cette intimité est là, on peut donc comprendre déjà le verset de Philippiens chapitre 3, verset 1. Je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors maintenant, la question c'est, comment on se réjouit dans le Seigneur alors que le cœur n'est pas en règle? Comment pouvez-vous réjouir? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Regardez le prophète, regardez Néhémie, vous lisez Néhémie chapitre 1, vous connaissez. Il était échanson du roi Assyrie là-bas. Pendant qu'il a déversé, on vient lui donner seulement une nouvelle. Regardez les circonstances. On vient, les gens qui sont rentrés de Jérusalem, ils étaient en captivité, dans la désobéissance. Et puis des gens viennent de Jérusalem. Il leur demande comment va le village. Le village, si tu parles là-bas, on te dit que c'est encore Jérusalem là-bas. La vie du grand roi, tu vas refuser. Quand il a entendu ça, ouais, l'impact sur son être, n'est-ce pas? Il a été touché. Au point où son être a été malade. Il est resté plusieurs jours dans le deuil, comme ça, gémissant à l'intérieur. Les circonstances ont touché sa vie. Et puis à l'intérieur, il a commencé dans l'intercession. Jusqu'à ce que quand le roi l'a vu, mais Némi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Ton visage est bizarre. C'est comme si tu as le palu. C'est comment? Tes yeux sont rouges comme tu avais bu le foluré. C'est comment? Et là, il a dit, comment puis-je être à l'aise à l'intérieur? Comment je peux me réjouir alors que le pays de mes ancêtres, où il y a le tombeau de mes pères, est désastre, sans dessous, sans dessus. Vous voyez, cette circonstance-là, il faut qu'il traite avec ça. Et lorsque la procédure pour mettre tout cela en règle a commencé, vous remarquez que son état d'esprit a changé. Donc il faut briser tous les hôtels familiaux. Je crois qu'il est temps qu'on regarde, Seigneur, quelles sont ces choses-là dans ma famille qui a encore d'impact sur moi. Votre réalité, c'est grave. La réalité dans laquelle nous nous trouvons. Des divinités étrangères dans nos foyers. Divinités. Vous entendez, avec des traditions. Notez le livre de Matthieu, chapitre 14. et Marc chapitre 6. Dans le livre de Marc chapitre 6, vous pouvez prendre ou lisez tout cela, mais on va prendre la lecture à partir du verset 20 et suivant. J'espère que vous en avez noté tout cela. Ça va? J'ai dit Matthieu chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Verset 1. Non. On va prendre à partir du verset 6 là, dans ce chapitre 14. On va lire. En tout cas, je vous le dis, s'il arrive que vous ne. On ne lit pas ici. C'est pour vous donner la direction de quoi il est question. Marc au chapitre 6. Dans ce Marc, nous allons prendre à partir du verset 20, en descendant toujours. En tout cas, c'est les versets croisés des deux chapitres qui disent les mêmes choses. Ça va, mes frères? Notez 1 Corinthiens au chapitre 12. Vous y êtes? Exode aussi, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Exode, là-bas, c'est plein. Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1. Que nous soyons bénis. Alors, pêle-mêle, près de 54 fois dans les livres des psaumes, Dieu demande de le célébrer et de louer l'Éternel de tout notre cœur avec des cris de réjouissance. Pourquoi le peuple qui doit louer le Seigneur avec des cris de réjouissance doit être attristé? On ne peut pas louer le Seigneur étant attristé. Quand le peuple était captif dans le bord de l'Euphrate, de la mer là-bas à Kéda, pour se moquer de ce peuple de Dieu, les ennemis qui les avaient captivés sont venus dire, chantez-nous quelques cantiques de votre Sion là. Vous savez ce qu'ils ont dit, frère? Comment chanterons-nous? De quoi? Cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère. On ne peut pas. On ne peut pas. Dans une terre étrangère. On ne peut pas. Il faut que la terre soit sanctifiée. Ça doit être la terre. Vous connaissez les quatre terres, style de terre. Ça doit être la terre qui loue Dieu, qui peut louer Dieu. Vous ne pouvez pas chanter son cantique. Vous ne pouvez pas. Remarquez bien. Si entame un cantique ici, je veux chanter pour Jésus, il est roi. Dans ma vie de tous les jours, il est loué. Ma vie lui appartient. Je le loue avec mes mains. On pourra le louer avec les gestes, mais le cœur n'y est pas. Pourtant, les Saintes Écritures nous disent qu'on doit chanter plutôt les cantiques spirituels. Venant d'où? De cœur, de tout notre cœur. Mais c'est notre danse, c'est notre corps comme voilà. C'est l'expression donc charnelle pour un Dieu esprit. La louange, comme la Bible déclare dans ce livre de Romains chapitre 12, chapitre 2, la louange de ces juifs-ci là, cette louange-là qui vient quoi? De cœur circoncis. C'est cette louange qui est agréable au Seigneur. Mais sur le cœur des obstacles, sur le cœur des obstacles, comment donc pourrons-nous louer notre Seigneur dans une terre étrangère? Nous devons nous réjouir. Il y a donc les événements dans nos vies que vous allez vous réjouir. Vous réjouissez. Quand le livre, dans le livre, notez Luc chapitre 1, merci Père. Dans le livre de Luc chapitre 1, si vous regardez le verset 18, notez aussi le verset 58, enfin le verset 14, verset 58. Vous remarquez quand la promesse a été donnée à Élisabeth pour la naissance de Jean le Baptiste, il dit que plusieurs se réjouiront à sa naissance. Plusieurs se réjouiront à sa naissance. Effectivement, quand il est né, son voisin sont venus pour se réjouir avec lui. Mais le jour qu'on coupait sa tête, il était encore là. Hein, frère? Écoutez-moi très attentivement. Lorsqu'on coupait la tête de Jean-Baptiste, vous avez vu quelqu'un se réjouir? Quand il est né, on sait? Il s'est réjoui. Mais la Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux qui s'est réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Bon, je vous pose la question de façon pratique ici. Vous pleurez souvent avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Je vous pose la question, est-ce que vous réjouissez aussi avec, entre vous? Le frère, tu as la promis que tu vas nous faire réjouir sinon. Peut-être on va commencer par toi avec la fête, c'est réjouir. La vie chrétienne consiste donc dans cette agapé aussi. Parce que l'un des piliers aussi de l'église, la réjouissance. Dites, ma soeur, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur, c'est les paroles qu'on cite, frère. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous pour pas t'aider. C'est pas ça. D'accord? C'est pas cela, n'est-ce pas? C'est pas cela. Maintenant, regardez. Quand l'enfant Jésus est né, les mages sont venus de l'Orient. Quand ils sont vus, ils ont donné le présent, ils étaient en train de se réjouir. Vous avez moi, hein? Alors, la réjouissance, donc, vous devez le faire. Et on va faire avec toi, d'accord? On va se réjouir. Maintenant, vous dites, telle personne a perdu sa mère, telle personne a perdu son frère, telle personne a perdu son frère. Allons, parce que la Bible déclare qu'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, on pleure avec ceux qui pleurent. Mais vous ne vous réjouissez pas. Quand quelqu'un a sa chose, quand il y a des biens, chacun se cache. Quand il y a le malheur, on annonce. Le frère annonce ça bien. C'est ça, n'est-ce pas? Dans le livre des Psaumes 92, la Bible déclare. Dans le psaume de Moïse, sous le psaume 90, le psaume que Moïse a écrit, la Bible déclare que les plus vigoureux parmi nous sont en quel âge? À 80 ans. Et puis il dit maintenant que apprends-nous à bien compter quoi? Nos jours. Donc nous, du coup, chacun doit compter son jour. Et en comptant son jour, tu vois que plus tu vieillis, plus Dieu t'a fait grâce, pas vrai? Quand il dit que apprends-nous à bien compter son jour, c'est que chacun mesure bien que combien j'ai marché dans la crainte de Dieu. Combien j'ai. On va voir effectivement que c'est éphémère. Ces jours-là, il nous fait passer rapidement. Mais que, ah non, il me reste. Je vous pose la question. Si on vous dit, il vous reste 5 ans à vivre sur la terre, vous feriez quoi? Supposons que le Saint-Esprit dit, toi, il te reste 2 ans sur la terre. Vous voyez que tous les projets tombent dans l'eau, n'est-ce pas? Hein, frère? Oh, maintenant, ces projets, c'est le projet pour construire notre avenir. L'avenir qui est incertain, dont Dieu peut couper le fil à tout moment. C'est cet avenir que nous allons nous bâtir. Nous sommes en train de bâtir des empires solides dans un avenir incertain. Un avenir que nous n'avons pas contrôlé. Et donc, celui qui a contrôle demande de bâtir son avenir en lui. Avec lui. Tout programme sans Dieu se voit à l'échec. Parce que la Bible déclare que l'Éternel renverse les desseins des nations. C'est le dessein de l'Éternel qui subsiste d'âge en âge. D'accord? Dans le psaume 25, le verset 8, il dit que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Il est bon et droit. C'est pourquoi il montre même aux pécheurs la voie. Dieu désire nous montrer cette voie-là. Ouvrez Ecclésiaste donc. Que Dieu vous bénisse. Tu dois te réjouir, d'accord? On ne t'a pas parlé de cet haut lieu ici dans la famille. Tu ne savais pas? Hein, mon frère? C'est que je me suis attiré très longtemps dans ces histoires. Ah, tu t'es retiré dans ces histoires-là? De temps en temps. Vous entendez la voix, mes frères, là? Je disais, je m'étais déjà retiré dans cette haute des coutumes. Parce que de temps en temps, il a toujours fallu qu'on m'appelle. Dis-nous, on t'appelle comment? On t'appelait comment? D'assister. Assister à quoi? Ah, c'est des événements rétifs d'idoles. Pour faire quoi? Explique-nous comment ça se passait. La dernière fois, c'était passé comment? On demandait qu'il fallait plutôt qu'un homme tienne le bouc, c'était la chèvre. Pour immoler. Oui, entrer. Mm-hmm. Oui. Ils se sont concertés. Ils ont dit on entre où? C'est dans un village un peu égaré. Mm-hmm. Dans un village égaré. Non, reculé. Non, attends, d'abord, on va aller doucement. Pendant que je suis en train de parler, je regarde l'endroit, le lieu exactement. Parce que ces choses, il y a lui. C'est pas un village égaré, c'est éloigné. D'accord. Parce que égaré, parce que personne ne peut retrouver. C'est égaré. Ce sont des lieux secrets, des hauts lieux terribles. D'accord. Mm-hmm. Parce que toute la descendance, toute la famille est infestée par ici. Et quand on entre là-bas, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes arrivés. Et... Donc tu es parti? Oui, j'étais. C'est la dernière fois. C'est cette dernière fois-là que j'ai dit. Quand tu as dit que c'est la dernière fois. Oui, c'était fini. Explique-moi comment ça s'était passé. C'est ce que tu as raconté. Tu as dit ça à quelqu'un, hein? Non. Ok, allons-y. Non. Donc, quand tu es allé, on est allé dans ce lieu-là. Dis-nous, c'est dans quelle partie du pays? À l'ouest. À l'ouest. Côté Bamedjoun, côté maternel surtout. Vous êtes allé où? Chez un monsieur, soi-disant, c'est lui qui est l'héritier du. Le gardien de la tradition. Voilà. Gardien de la tradition. Oui. Mmh. Et c'est ainsi qu'on a demandé, il fallait parmi nous la famille pour pouvoir débloquer toute situation de toute personne. Mmh. Et pour pouvoir faire quoi, frère? Débloquer la situation de toute personne, vu que les soeurs se plaignaient. Si le Saint-Esprit ne vient pas dans ce genre d'affaires, s'il n'intervient pas, la famille va mourir comme ça. Mourir comme ça. Et on va transmettre ça de génération en génération. Je rends grâce à ce grand Dieu du ciel. Mmh. Oui, continue mon cher. Les sœurs se plaignaient, n'ont pas de foyer, elles ne trouvent pas de mari, beaucoup ne trouvent pas d'activité, ceci et là. Et cela même m'a infecté parce que j'ai mis l'oreille à cela et puis j'ai commencé à perdre les emplois, tout ce que je faisais ne tenait plus. Donc après cet événement-là, c'est plutôt les dégringolades. Oui. jusqu'à présent. Mais pourtant, on ne partait pas pour résoudre. On partait débloquer. Y compris les sœurs qui se plaignaient qu'elles ne trouvent pas leur mari, d'autres, le foyer ne fait pas un an, ça rompe. Je vais trouver votre passé, d'accord. Parce que ça, c'est un événement d'une vie enchaînée. Non seulement une vie enchaînée, mais des vies enchaînées. Voilà. D'accord. Oui, dis-nous. Quand vous êtes allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons présenté ce qui était, ce qu'on est venu de Douala avec. Il a fallu qu'on me place plutôt devant. On a fait quoi? Après ce qu'ils ont concerté. Attends, frère, ne va pas vite. Parce que tu étais là derrière quand il t'a dit que frère, est-ce que tu peux te réjouir? D'accord. Oui, frère. Toi et moi, on n'a pas rendez-vous aujourd'hui. Non. C'est ton jour aujourd'hui. Amen. D'accord. C'est ton jour. Quand vous arrivez au niveau de cette assemblée, dans cette broussaille-là, alors que les oiseaux sont allés chanter, vous avez traversé les forêts, dans des endroits froids, vous traversez le couloir avec des petits grisaillements à l'intérieur, en temps de grue, un petit cours d'eau qui passe ruissellement, bien glacé. Voilà. Alors, quand vous arrivez là-bas, pourquoi on te place devant? Ils sont sollicités, ils ne m'ont pas dit. Donc, on a fait le coup derrière toi. Oui, et ils m'ont dit, je n'ai pas de l'argent même pour voyager, ils ont payé mon transport. Comment est-ce que tu vas sauf que partir? Oui, et c'est comme ça qu'ils ont fait gérer jusqu'à leur retour. Mmh. Et alors... Vous allez voir Jésus-Christ à l'œuvre. Après son événement, après la résolution de son problème, le jour où on va se réjouir ici. Bon, je ne dis rien parce que... Ne dis même pas le jour, quand ça va venir, dis même pas le jour, tu vas venir. Comme ça, ceux qui vont rater puissent rater, d'accord frère? Continue. Et on te place devant l'assemblée, comme le représentant. Dis-nous, raconte-nous la séance. Frère, l'action qui s'est passée, ils ont applaudi quand c'est le bouc, c'est le gibier, c'est là fait l'essai. Ils ont trouvé un signe que c'était déjà passable. Bon, quand on chie, c'est bon frère, c'est bon signe. Selon eux, ils ont dit que c'était déjà un bon signe. Oui, mais avec le recul, quand on chie, le caca c'est un bon truc. Frère, je l'écoutais celui qui le disait ainsi. Donc comme il a chié là. Oui. C'est bien. Et le chef de la concession attendait ce paquet avec le sel et consorts. Oui. Pour ma part, j'étais devant pour dire que vraiment, si le Seigneur peut ouvrir les portes de toutes ces soeurs qui sont en train de me fatiguer. Donc, j'étais au lieu là-bas, comme la banque le fit. Tu en as invoqué le Dieu d'Abraham. C'est le sacrificateur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Chaque fois, il se tient ici. Il vient, quand j'observe, je regarde son cas, il prend, il regarde son cas, et puis il sonne de regarder. C'est son jour maintenant. Vous ne pouvez pas avancer, parler, et que les choses changent tant que ce n'est pas le moment. Même si vous voyez que c'est le moment, même si vous voyez que la personne s'ouvre un peu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, frère, par exemple, il y a une maman qui m'appelle depuis la France, on lui a donné le mot, elle ne fait qu'appeler. Mais chaque fois, il dit, je vais appeler, je vais y arriver, le Saint-Esprit ne veut pas qu'il parle. Vous voyez, je vais avancer vers un pauvre. Il ne peut même pas qu'il parle jusqu'à ce que ça va arriver à un certain niveau. Toi, tu es ici. La bonté et la lumière t'accompagneront. Amen. D'accord. Amen. Tu peux bien qu'on continue à ouvrir là-bas. Qu'est-ce que. Et la séance, maintenant, comment vous avez fait pour quitter là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait comme résolution là-bas? Oui, à l'intérieur, ils avaient placé certains calebas, certains plusieurs carreaux rondes, soi-disant les arrières, ceci. Et. Cela ne m'a pas tenu bien la paix parce que j'entends encore dire qu'on a confondu la personne qu'il fallait. qu'on a donné avec un faux ancêtre. Ils ont donné au lieu de Paul, ils ont donné à Jean bien la paix que nous sommes quittés. Voilà. Mais pourtant, le registre a été ouvert pour ses papas. Soit c'est nous sommes les premières personnes pour lui parce que celui qui héritait cette truc-là était un navarre. Un navarre, petit sous-là, il n'était pas. Peut-être qu'il n'était pas la personne idéale, d'après celui qu'on a trouvé. Il fallait maintenant encore commencer le processus. Pour c'est lui donner... qui reprend tout. Oui. Et c'est lui dont donc, lui la personne désignée de tout ce qui est attribué dans cette chambre-là. Donc, ça veut dire qu'il y a les calebasses de papa Paul, ancien papa Paul, qui est l'ancêtre. Et puis, papa Jean ici. Là. Les aïeux. Les aïeux. Pour chaque personne, on vient devant le calebasse. Toi-même, tu es en train de voir. Parmi vous, il y a des gens qui ont fréquenté. On met la calebasse là-bas. On dit que papa, bah c'est tes enfants qui sont venus vers toi. Pour que tu leur ouvres les portes. Toi-même, tu vois que ça le laisse lui-même. Il habite dans les calabasses, frère. Tu vois le problème avec les hommes, n'est-ce pas? Bon, la chèvre là, qui a mangé finalement? Frère, on a laissé, on est retourné. Il a dit que ne regardez pas ce qui va se passer. Le pas derrière, les gens peuvent manger. Moi, mon âme, je sais bien que ça appartient quand je me dis que ça là. Le reste là, vraiment que j'ai tout fait. Je n'étais plus dans ces, je n'avais plus jamais jusqu'à la belle famille, même j'ai eu des problèmes avec mon épouse parce que à chaque fois qu'on veut la capturer pour quelconque, je refuse. Donc on a eu à nous convoquer et il m'a donné ma dose parce que je fais les assises que tu es entré dans les sectes et tu veux entrer ta femme dans cette bêtise. Que tu veux entrer dans ta tête, vas-y seul. C'est vrai que je la laisse même là où on était et je retourne. Et quand je prends mon engin, je vais retourner. Je dis, mais on t'a dit, la famille a demandé de rester, tu me suis pourquoi? Moi, je vais suivre mon église où je suis. Alors, restons avec toi. Alors, on laisse ton cadre, ton épouse. Chacun, il y a la banque ici, il y a ses femmes ici, il y a ses enfants. Les enfants de la banque, on dit à la banque, on dit à Jacob que d'abord, ils ont mangé notre salaire, ils nous ont vendu. Ils nous ont même quoi acheté à l'hôpital. Hey, pardon, d'accord. Maintenant, je te pose la question. Comment tu as quitté ces milieux? Chaque fois qu'ils veulent faire quoi que ce soit, moi je ne suis plus. Regarde bien. Pendant qu'on faisait ces choses-là, tu y participais de temps en temps, tant bien malgré, de temps en temps tu le faisais. Comment tu as fait? Parce que chaque fois quand tu mets le pied dans l'idolâtrie, toute ton âme est souillée. C'est ce que la Bible nous enseigne. Qu'on ne va pas consulter les morts. Que si quelqu'un s'adresse aux morts pour se souiller, que veillez attentivement sur vos âmes. C'est ce que la Bible nous dit, non? Donc, quand ton âme est souillée, comment tu as fait pour quitter alors? Parce qu'on ne quitte pas. Quand vous y avez le pied. Et quand vous avez le pied, votre corps, votre âme et votre esprit est livré. Quand vous sortez, votre corps sort. Mais le vrai vous est en contact avec eux. Comment tu es quitté là-bas? J'ai fui la famille, ça fait 3 ans. Ok, tu as fui. La plus chose qu'on appelle. Tu ne viens pas. Je me libère toujours. Donc, tu as quitté physiquement. Oui. Spirituellement, est-ce que tu es à côté? Parce que spirituellement, même on ne peut plus m'appeler. Non, il ne parle pas de spirituellement, on ne peut plus t'appeler. Il dit que est-ce que spirituellement, tu as été déconnecté de cela? Parce que tu regardes très bien, j'en ai regardé au travers de toi 3 rêves qui signifient exactement le même lien avec ce lieu-ci. Depuis que tu, et ça, c'est maintenant, depuis que tu es chrétien. Il dit bien 3 rêves qui montrent clairement qu'il y a des réclamations dans cette direction-là. Je n'ai plus une pensée dans cette histoire-là. Même si tu ne parles pas, tu dis que tu ne parles pas, mais tu as décidé que les marabouts, tu n'es plus ça, non? Mais tu es avec eux. La preuve, la souffrance a changé. Puis encore, ça a plutôt augmenté. Pour montrer, en fait, ils sont en train de pousser le bouton comme ça, qu'il va tourner. Quand il n'y a pas la solution, il va dire, faut qu'il revienne. Jésus-Christ est Seigneur, pas vrai? Ecclésiaste chapitre 7. Donc, si on se réunit comme ça, ou prier, ou dire Seigneur, j'ai envie de chanter pour. C'est la sueur, c'est bon. Ça brûle quand même quelques graisses. Si ces problèmes ne sont pas résolus, ces genres de problèmes ne sont pas résolus, tu vas chanter, rentrer à un moment donné, murmurer, parce que vous allez rester tranquille, vous allez parler à votre cœur. Tu dis que c'est Jésus depuis non. Pourquoi ça ne change pas? Pourtant, même lui-même, quand tu es venu servir, ça ne changeait pas. Pas vrai? Tout ce qu'on pouvait faire, c'est que la chef suggère je te viens. La grâce et la bonté viennent vers toi. D'accord? Alors, Ecclésiaste, nous sommes dans quel livre déjà? Chapitre 7. Allons-y, frère. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Qui aime le jour de sa mort plus que le jour de sa naissance? Qui aime? Les gens ne sont pas d'accord avec la Bible ici, c'est comment? Donc, vous n'aimez pas votre jour de mort. Donc, vous dites que vous êtes capitaine, vous êtes d'accord avec Salomon, mais l'autre là, vous n'êtes pas d'accord. Il dit que le jour de la mort, c'est un bon jour, frère. Le jour de la mort des autres. Pourquoi les autres? Pas ta mes livres. Hein. Oui. Même toi, que tu as lu, tu n'as pas répondu. Tu ne réponds pas à quelqu'un ici. C'est pas ta Bible. Je m'en dis que tu as sauté, tu n'as pas souligné là-bas. Tu as. Il n'a pas souligné l'autre, il a déjà seulement que nous seulement fédéré là-bas. Oui, ok, relis encore cela. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Oui. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Frère, il a dit que le jour de la mort de l'autre. Hein? C'est quelqu'un, Bon, alors, entre votre jour de naissance et votre jour de mort, vous aimez quoi? Le jour de la naissance, franchement, c'est le jour. Vous voyez que dans ces 2 jours, vous n'êtes même pas conscient, pas vrai? Oui, c'est parce que ce sont les autres qui en sont au courant. Quand vous naissiez, on se réjouit sans vous. Vous mourrez, on pleure sans vous. Ah, je vais souhaiter vous parler. On reste en train de parler ici. Il dit que le jour de la mort vaut mieux. On a des religions. On va arriver ici samedi. On ne finit pas ce topic. On va avancer jusqu'à un niveau donné. Il y a des gens qui marchent comme ça debout. Tu dis bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Il est déjà mort. Mort, véritablement mort, jusqu'à ce que, sur le plan spirituel, il est enterré. Son deuil a été là célébré. Il cherche seulement le marchand sur la terre. Vous faites, tu as fait quoi? Tu tapes la personne tombe là. Tu formes ça comme le poulet. Tu crois qu'il va se lever. Tu pars, tu mets la bouche. Couche baron, lève-toi, je ne veux pas te taper. Satan a fait d'une pierre plusieurs coups. Mais on dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Bon, si c'était à choisir, tu choisirais quoi? Il y a des gens, si tu viens vers eux, tu dis que non, Dieu va te donner encore la jeunesse. Il dit amen, j'arrache. Il dit frère, bientôt tu vas mourir. Il dit c'est la dernière fois, je rejette ça au nom de Jésus. Mais ici dans la Bible, on a dit que c'est le jour de la mort là qui est bien. Nous voici, nous prions chaque fois. En regardant ce qui vient à l'horizon, des jours de ténèbres viennent sur la terre, des tribulations. 2019, des tribulations sont en train de venir. Mais au fur et à mesure, la tempête se fait comme le cloud, le truc, les nuages au-dessus, ça ne fait que s'accentuer. Les nuages sombres sont là, mais il y a une lumière qui est de traverser au travers de ces nuages. Donc, c'est mêlé. De bonnes et de mauvaises choses arrivent au même moment, à partir de 2019. Ça va aller crescendo, crescendo. Et puis là, c'est dangereux, mieux je meurs. Ah, le Seigneur, enlève-moi, ok. Tu es prêt à mourir. Et non, frère, je n'ai pas comme ça. Tu es mourir comment? Je me coupe comme ça, je meurs, vrai, vrai. Entre-temps, tu as fait le projet de 5 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire, préparons-nous à mourir. Alors, mon frère s'est tourné avec vitesse, mais regardez. Préparons-nous à mourir. C'est préparé à mourir, c'est-à-dire que c'est préparé dans la sainteté. D'accord? Parce qu'en réalité, tous les chrétiens, sans exception, sont déjà morts. Vous savez ça au moins, n'est-ce pas? Vous êtes déjà morts. Donc, on ne tue pas que le cadavre. Donc, aucun chrétien ne pourra plus jamais mourir. Vous savez ça? Hein? En tout cas, ça ne nous concerne même pas déjà. Alors, si celui qui ne peut plus mourir, qu'est-ce qu'il risque de faire? C'est de se réjouir. Amen. C'est de se réjouir tout simplement. Alors, ce soir, nous allons nous réjouir pour un événement bien déterminé. Le 78e année. C'est ça, non, maman? Maman Véro, viens. C'est ma mère ici. Viens. Elle a son cœur. Elle ne me voyait pas venir. Dis que le. Mon frère, dépose ta Bible, porte-lui sa chaise. Frère, ouvre-moi le livre de Romains chapitre 12. Dépose d'abord au milieu. Dites que le Dieu. Romains chapitre 12. Verset 6. Verset 6. Mm-hmm. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Continue. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oui. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 8. Oui. 9, continue. Que la charité soit sans hypocrisie. Oui. Et le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Oui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Mmh. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Oui. Soyez patients dans l'affliction. Oui. Persévérez dans la prière. Oui. Pourvoyez aux besoins des saints. Encore. Pourvoyez aux besoins des saints. Encore. Pourvoyez aux besoins des saints. Encore. Pourvoyez aux besoins des saints. Qui entend ça, ce que vous avez dit? Ça dit quoi? Pourvoyez aux besoins des saints. Aux saints. Voilà. Non, c'est pas un aide. Parce que quand tu donnes aux besoins des saints, c'est toi que tu aides. Amen. Si tu donnes quelque chose, je ne suis pas en train de t'aider. Je m'aide moi-même. Amen. Parce que ce que tu donnes, c'est pour aider mon avenir à moi. Amen. Donc c'est à mon avantage que je te donne. Amen. D'accord? Amen. Pourvoyez aux besoins des saints. Oui. Exercez l'hospitalité. L'hospitalité. Oui. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui. Bénissez et ne maudissez pas. Oui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pardon. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Encore. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. On rejette l'autre là aujourd'hui. On rejette ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On rejette ça. Voilà. Donc, l'autre volet là, qui va avoir de cela? Donc, on ne parle même pas de cela. Je veux que le redéron revienne dans la partie bénissez, d'accord? Aujourd'hui, on fait quoi? Christ. On se réjouit avec ce qui c'est. Maman, viens t'asseoir ici là. Donc, elle a combien? Elle a quel âge, mon frère? 78 ans. 78 ans, c'est pas donné. 78 ans, regardez, elle est vigoureuse. À cet moment, viens. Regarde comment elle est belle. Jolie. Je crois que si elle passait autant d'Abimelech, je vais l'enlever. C'est pas ça? Abimelech, à cet moment. Oui, elle est timide. C'est un moment, elle est timide. Maintenant, moi, je vous pose la question. Nous sommes chez elle chaque fois depuis des années. Pas vrai? Nous allumons la lumière. Nous utilisons tout ce qui a lieu. Quelle est notre attitude voyant la façon dont elle est? Quelle est notre attitude? Elle a 78 ans. Normalement, on doit plutôt s'occuper d'elle, pas vrai? C'est pas vrai, Patin? C'est vrai. Alors, c'est son jour particulier aujourd'hui. On doit se réjouir avec elle. On doit se réjouir avec elle. Maintenant, écoutez, nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est en mars là. À partir de maintenant, peut-être que ça vous a surpris. Jusqu'à ce que le mois de mars se finisse. Que chaque personne, même ceux qui ont manqué, dites-leur qu'il y a la célébration de la réjouissance pour rendre grâce à Dieu de l'année de plus que Dieu a envoyé à notre maman. Amen. Que chacun, sans exception, cherche quelque chose pour pouvoir. D'accord? Amen. Mm-hmm. Donc on va faire cela. Quoi que, oui, ce moment Florence, comme toi tu manques comme quoi là, tu dois être aussi là. Donc c'est elle qui va gérer cela, d'accord? C'est pas ça mon soeur. Donc, ça veut dire que c'est elle qui va, c'est elle la caissière. Vous donnez tout ce que vous avez à donner. Nous allons le faire. Amen. Si vous pouvez commencer aujourd'hui, vous commencez. Jusqu'à ce que le mois de mars finisse. Si ça ne finit pas, même les gens qui esquivent là, ils vont esquiver. Si tout vient, il y aura glissement des dates. On va glisser. On va glisser jusqu'à ce que. Il faut qu'on passe. Remarquez très attentivement. Il y a un mal que j'ai vu au milieu des hommes. Je ne sais pas que vous avez constaté comme moi. Ce que vous voyez dans un village, une maman qui manque de l'argent pour prendre de l'eau minérale, pour boire son médicament, ou mieux encore, même le médicament. On lui prescrit le test, ou bien même quelque chose seulement pour pouvoir faire le diagnostic. Il lui manque peut-être 3000 ou bien 300 francs pour aller faire pour le test. Il ne fait pas. Le jour qu'elle meurt, on dit qu'on va l'enterrer avec le, vous appelez le cercle en or. Pas vrai? Là, d'ailleurs, quelqu'un dit que non, laissez-la à la mort, même 5 ans, je vais payer. On dit que le spa, juste 5 000, il dit que non, je vais payer. Et quand il vient, quand, le jour de la mort, on prend son corps, on fait tout le tour, on fait pim pim, on loue les cars, on loue les bus, on loue les bâches, on loue le chef, on loue le ceci, on loue le ceci. C'est traité de la plus grande truc. Et puis on dit que nous l'avons enterré avec honneur. Ceci, c'est pour qui, frère? Vous voyez? Et puis on dit qu'on a bien pleuré le père là. C'était un grand deuil. Hein? Pourquoi ne pas faire ça de son vivant? Pourquoi? Pourquoi? Monsieur Vénus, pas? Le Seigneur a dit, tiens, pour ce que je retiendrai à la... Quand c'est expiré, tout ce que vous faites avec le corps là, c'est ce que vous faites. Donc, la bonté, il n'y a pas d'amour pour des cadavres. Vous pouvez avoir sur la terre, on dit que non, on a profané la tombe. Ça, c'est pour vous, là, avec votre règle politique. L'amour, c'est entre les vivants. Il n'y a pas d'amour entre les vivants et les cadavres. Donc, il faut aimer du vivant. Amen. Et aimer pour. Réjouissez-vous avec ce qui c'est. Pour voyons aux besoins des. Et ça, maintenant, vous voyons, vous pensez que quel peut être son besoin? Vous pensez que quel peut être le besoin de notre maman? Normalement. Avec son amour, on regarde la façon qu'elle brille là. Normalement, on devait même mettre la climatisation ici. Pour elle. Qu'elle donne dans la climatisation. Elle brille encore davantage que Chantal Billet. Comme ça, quand elle reste, elle est dans la clim. On paye la quittance pour elle. On devrait le faire. D'accord? Elle a été l'âge où elle ne doit même pas travailler. On doit s'occuper d'elle. Vérifier si ses orteils sont bien tracés. Les soeurs viennent arranger ses cheveux. Maman, tu as mangé autre. On lui achète des fruits. Elle mange. Elle doit. Elle mérite cela. Amen. D'accord? Amen. Alors on va prier pour elle, d'accord? Que Dieu lui en accorde encore davantage, surtout la santé et la force. À 78 ans, on ne peut pas savoir. Vous regardez comme ça, c'est des gens que vous allez à la barre à cause, ça va vous gagner. On y va? Prions pour elle. Parce qu'on va rester réjouis maintenant. Et tout ce qui va se passer là-bas maintenant, mon épouse a seulement dit qu'on lui parle de supplément. Elle n'est même pas au courant de ce qu'il a laissé préparer là maintenant. Donc elle ne connaît pas. Donc c'est juste ce que Dieu a mis à cœur que nous fassions, qu'on se réjouit ensemble avec. Elle-même n'est pas au courant. C'est pour ça que vous voyez son cœur bat comme ça, sa tenue bouge là. Nous allons prier pour elle afin que le Seigneur lui accorde la grâce d'être encore forte, que le Seigneur la bénisse. Et que tout ce que vous allez sortir, il dit bien, souvenez-vous, même les membres, les frères qui ne sont pas venus, les sœurs qui ne sont pas venus, dites-leur ces messages-ci. Donc, chaque séance, à partir de maintenant jusqu'à ce que mars finisse, après la séance, vous rassemblez ceux qui ont apporté des choses, vous donnez à sœur Florence. Chaque séance, elle lui donne. Chaque séance, elle lui donne. D'accord ? Ça, c'est pas bon. On va continuer jusqu'à ce qu'avril va finir. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier. Prions pour notre maman. Prions pour notre maman. C'est une grâce d'atteindre cet âge-ci. C'est une grâce. Quand vous voyez, vous-même, à 20 ans, vous vous baissez, vous entendez votre règne, vous faites croire, croire, croire, vous comprenez que Laurent vous dit que bientôt on va partir. Mais là, voilà debout. Marchant, montant les escaliers, descendant. Son gaz fini, il ne faut qu'elle pas acheter. En même temps, on vient, on prépare la notice, son gaz. On consomme sa lumière. On boit de son eau. Après, on sort, on dit, maman, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que c'est ce que la Bible nous a enseigné, frère? Non. Non. La Bible dit qu'on doit prendre soin les uns, les autres. En plus, encore plus grave, on doit prendre soin des personnes âgées. Encore au milieu de nous, ça doit être encore être pragmatique, pas vrai? Alors prions pour elle. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour notre maman, reconnaissants pour ce que tu as fait pour elle. Reconnaissants au Dieu de gloire pour la grâce que tu lui as accordée jusqu'à maintenant. Père de gloire, la vie de tout être est entre tes mains. Et sa vie a été entre tes mains et a été toujours entre tes mains. Seigneur, elle a traversé des sommes de turbulences, des tribulations, tu l'as toujours épargné. La voici au Dieu de gloire au milieu de l'assemblée. Nous nous apprêtons, Père, à nous réjouir, Père de gloire, que tu as accordé 78 ans aujourd'hui. Nous prions au Dieu de gloire que tu en multiplies encore davantage. La Bible déclare au Dieu de gloire que Abraham a quitté et s'est rassasié de vierges. Père de gloire, nous attendons avec elle au Dieu de gloire l'espérance d'un enlèvement. Je prie, Père de gloire, pour elle afin que tu inondes sa vie de ta présence. Que tu inondes ta vie, Père de gloire, de ton esprit. Que tu inondes ta vie, Père de gloire, de bonté céleste. Que la guérison lui soit accordée. La restauration lui soit accordée. La bonté de tout genre lui soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie particulièrement pour ceux au Dieu de gloire qui mettront la main, Père de gloire, pour cette collecte, pour la bonne volonté pour notre maman. Que tu bénisses et étends les bénédictions avec la même chose au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire pour ceux qui nous écoutent, pour tous ceux là qui sont dans les loin, contre les lointains, qui feront un geste également à sa faveur. Je prie Dieu de gloire que tu les bénisses. Tu bénisses chaque membre de cette assemblée au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Saluez-la alors maintenant. Saluez-la. Que Dieu bénisse. Samedi, on continue avec ces réjouissances. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, le champagne qui est là, qui va ouvrir, qui aura l'honneur des femmes d'ouvrir ça pour notre maman. Qui va ouvrir le champagne? Pardon, c'est toi qui va ouvrir. Je ne suis pas une femme. Parce que j'ai parlé, tu m'as regardé. Quand tu me regardes pourquoi alors? Qui est en route là? Rassurez-vous, le champagne n'est pas alcoolisé. Vous allez vous poser des questions comme ça, que lequel est le champagne? C'est pas alcoolisé, d'accord? Si vous pouvez faire autant. T'en as fait quoi? Fais quoi? Même si vous lui construisez un palais, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, moi. Attendez que Dieu me donne le travail. Hein? Comment, frère? Que Dieu me donne le travail, non? Quel travail encore comment? Il s'en est travaillé. Si vous l'avez vu, ça va sortir d'argent. Si vous m'avez vu là-bas, l'argent sortit d'argent, tu vas prendre. Tu prends pas d'argent. Tu prends. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Mangez ceci avec action de grâce tout en sachant. Voilà le champagne. Donne à madame Borda. Elle désigne la soeur qu'elle voudrait qu'elle bouffe. En l'honneur de notre soeur bien-aimée. Aimée. Quand la Bible déclare que votre papa, votre maman peut vous abandonner, mais l'Éternel vous abandonne, peut vous donner la famille. Ça, c'est mon cas. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le prince glorieux, il est mort. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci. Merci, Jésus. Être disponible pour nous, nous serons, Seigneur. Oh, ta splendeur et ta beauté. Éclaire nos âmes. Et nos cœurs remplis de bonheur et de joie célèbrent ta grandeur. Merveilleux, Seigneur. Tu es tout ce qu'il faut pour que le monde soit un vrai bonheur. Tu es tout ce qu'il faut pour que le monde soit une joie éternelle. Tu es merveilleux, Seigneur. La force de nos âmes, c'est toi, Seigneur.